Léonce Vitariho. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Une peine à perpétuité a été requise à Gitega ce mercredi contre trois militaires présumés auteurs de l'attentat contre le chef de l'état-major général de l'armée burundaise, le lieutenant général Prime Niyongabo. C'était en septembre 2015. On en parle en début de ce journal. Le ministère de la Santé publique se prépare à faire face à l'épidémie de paludisme. La déclaration est du directeur du programme national intégré de lutte contre cette maladie. Vous l'entendrez. Le lycée de la convivialité de Kanyosha en mairie de Bujumbura est confronté au problème de manque de latrines. Un incident a failli coûter la vie à l'un des élèves. Pascal Niyangunze nous en dira plus dans cette édition. Toute question liée à la nouvelle politique de viabilisation sera désormais traitée par une nouvelle commission foncière. L'annonce a été faite hier mardi par le deuxième vice-président de la République. Vous aurez le point avec Placide Niyomungeri. Et puis, quatre hommes sont détenus depuis un bon bout de temps dans le cachot de la commune Kanyosha à Ruyaga. Ils sont accusés de ne pas reconnaître officiellement leurs épouses. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Une peine de perpétuité pour trois militaires poursuivis dans l'attaque contre le chef de l'état-major général de l'armée, ainsi que 20 ans de prison pour les deux gardiens de la compagnie de gardiennage et KK Security, et le réquisitoire de l'OMP pour ses prévenus. C'était ce mercredi devant le tribunal de grande instance Mouha, chambre criminelle en itinérance à Gitega. L'avocat de la défense ainsi que les prévenus demandent l'acquittement étant donné que c'est un montage selon eux. Arthur Kavaouchi. Ce procès a débuté vers 10h de ce matin, a connu la participation de beaucoup de personnes, ainsi que certains observateurs des droits de l'homme, tant nationaux qu'internationaux. Ceux qui sont poursuivis dans ce dossier sont constitués de trois militaires et de deux gardiens de la compagnie de gardiennage KK Security. L'officier du ministère public a indiqué à la cour que ces trois militaires sont poursuivis pour avoir, en date du 11 septembre 2015, sur la route Rumonge, tendu l'embuscade au chef d'état-major, le lieutenant général Prime Niyongabo, et assassiné trois militaires de son escorte. C'est prévu et puni par l'article 213 du Code pénal livre 2. Aussi, les inculpés sont accusés de participation à une bande armée pour changer le régime constitutionnel. C'est puni par l'article 595 du Code pénal livre 2, ainsi que pour avoir porté des armes sans autorisation. C'est puni par l'article 480 du Code pénal livre 2. Pour les gardiens de la compagnie de gardiennage KK Security, l'officier du ministère public les poursuit pour avoir fourni le logement, le lieu de retraite et de réunion à ces militaires, puni par le Code pénal livre 2. Et cette maison où ces deux gardiens travaillaient se trouve au quartier dit Dongagara. Le réquisitoire de l'officier du ministère public est la perpétuité pour les trois militaires et pour les deux gardiens de la compagnie de gardiennage KK Security, 20 ans de prison. Les prévenus ont indiqué à la cour qu'ils ont plaidé coupables à cause de la torture qu'ils ont subie au service national de renseignement tout en demandant l'acquittement car c'est un montage. L'avocat de ces prévenus a montré à la cour qu'il y a eu violation de la loi depuis l'instruction et le jour où ils ont été conduits du parquet au service national de renseignement plutôt qu'à la prison centrale d'Ombimba. Il a alors demandé l'acquittement. Ce procès a été mis en délibéré et le verdict tombera après un mois. Arthur Kavaouchi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Une personne a été kidnappée la nuit de mardi à mercredi à Gihanga, en province de Ouvanza, par des hommes armés non identifiés. Félix Ndaïzi Guillé est rentré chez lui au village 4 avec ses voisins et ils ont été interceptés avant d'arriver chez eux. Les ravisseurs ont capturé le seul Félix qui restait sans nouvelles jusqu'à présent. Trois personnes, dont deux filles d'une même famille qui travaillent dans un débit de boissons à Bulinga, ont été arrêtées dans l'après-midi de ce mercredi pour question d'enquête. 14 000 personnes, c'est l'effectif hebdomadaire de ceux qui se sont révélés malades de la malaria dans la province sanitaire de Karoussi. Le médecin provincial confirme que le nombre de malades reste encore élevé, mais tout de même, selon lui encore, les chiffres commencent peu à peu à baisser comparativement au mois de janvier, où on pouvait atteindre 20 000 personnes malades par semaine. 170 agents de santé communautaire du bureau de district sanitaire de Kayanza ont reçu ce mardi un kit composé de médicaments et de matériaux matériel en vue de soigner à domicile les enfants de moins de 5 ans souffrant du paludisme. C'est un don de l'Église catholique par le biais de Caritas Burundi. Et le ministère de la Santé publique de lutte contre le sida se prépare à faire face à l'épidémie de paludisme. Déclaration faite par le directeur du programme national intégré de lutte contre cette maladie, Dionyse Nizigimana, fait savoir que le ministère, en collaboration avec ses partenaires, est en train de mobiliser des ressources supplémentaires pour bien prendre en charge les personnes malades. Il dément par ailleurs les informations faisant état de la non-efficacité des médicaments contre la malaria ces derniers jours. Suivez-le au micro de Francine Diokoubgaï. Si on déclare qu'il y a une épidémie de paludisme, justement, vous comprenez que les actions qu'on doit mener doivent être intensifiées justement pour faire face à cette épidémie. C'est-à-dire qu'on doit justement mobiliser des fonds, des ressources supplémentaires pour qu'on puisse mener des actions, en l'occurrence les actions à rapport avec la prise en charge des personnes qui sont malades et puis aussi la mobilisation de la population pour qu'elle puisse adopter un comportement qui est justement adéquat. Et demain, il y aura une réunion de mobilisation des ressources qui va regrouper les partenaires justement qui appuient au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Même pour le moment, il y a certains partenaires qui ont déjà donné des promesses. Il y a ceux qui ont déjà d'ailleurs livré des intrants antipaludiques. À présent, on n'a pas de problème. Il y a les malades qui se lamentent comme quoi aujourd'hui les médicaments contre la malaria ne sont plus efficaces. Comment ils peuvent le dire? Ce sont des rumeurs. Pour dire que les médicaments ne sont pas efficaces, il faut qu'il y ait des évidences pour dire justement que ces médicaments ne sont pas efficaces. Mais jusqu'à présent, il y a des études qui sont prévues. Par exemple, je peux vous dire qu'il y a une étude en rapport avec le test d'efficacité thérapeutique des antipaludiques qui est en cours. C'est ça qui pourra nous montrer que justement les ACT ne sont pas efficaces, mais jusqu'à présent, ils sont efficaces. Le directeur du programme national intégré de lutte contre le paludisme sera l'invité de la rédaction Isanganiro vers la fin de ce journal. La mise en application de la loi promulguée par le chef de l'État en date du 22 septembre 2017 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre est source de conflits dans différentes familles de la commune Kanyosha en province de Bujumbura. 4 hommes sont détenus dans le cachot de la commune, accusés de ne pas reconnaître officiellement leurs épouses. Le conseiller de l'administrateur communal de Kanyosha, chargé des affaires administratives et sociales, demande aux récalcitrants de régulariser avant qu'il ne soit tard. Évariste Nzikobanyang. Depuis que cette loi a été promulguée par le chef de l'État, les femmes de la commune Kanyosha, illégalement mariées, ont poussé un ouf de soulagement, indique le conseil technique de l'administrateur communal de Kanyosha, chargé des affaires administratives et sociales. De longues files sont prévisibles devant les bureaux de la commune Kanyosha du lundi à vendredi. Des femmes viennent demander qu'elles soient rétablies dans leurs droits. Certains régularisent leur mariage et d'autres sont récalcitrants. Claudine Nahimana, mariée illégalement en zone Mouira, indique que c'est la famille de son mari, surtout ses enfants, qui refusent la régularisation de leur mariage. Les uns se sont déjà fait inscrire. Nous, nous ne l'avons pas encore fait. Nous avons vu le chef de colline nous amener une convocation qui nous intimait l'ordre de nous présenter à la commune. Nous voici, nous sommes venus. Mais quand ces enfants ont vu cette convocation d'aller nous faire inscrire pour procéder au mariage légal, ils se sont inscrits en fond contre. Moi, ce que je demande est que je sois rétabli dans mes droits. Le conseiller de l'administrateur communal de Kanyosha, chargé des affaires administratives et sociales, Ladislas Badilouiha, demande à ceux qui traînent encore les pieds de régulariser avant qu'il ne soit tard. Je vous dirais que nous avons lancé des convocations. C'est-à-dire que avant même que la loi soit promulguée, nous, dans nos données, dans nos archives ici, nous avons déjà repéré ces ménages. Avec toute l'année passée, c'était une période de sensibilisation. Les personnes qui ont répondu à l'appel sont celles déjà qui sont enregistrées. Ceux qui ne sont pas encore là, dernièrement, à chaque chef de colline, nous avons remis des convocations pour qu'ils amènent ces personnes-là. Nous prévoyons une séance par zone. Tout ce monde-là, nous allons essayer de faire encore une fois une sensibilisation Et nous savons que nous ne vont pas venir tous avec ces gens-là. On va décentraliser l'opération, on ira jusqu'au niveau des collines. Là, je pense que ce sera facile pour que ces gens puissent répondre à notre appel. 4 hommes sont détenus au cachot de la commune Kanyosha il y a 2 mois pour avoir refusé le mariage légal avec leurs premières épouses. Nous n'avons pas pu avoir la version de l'administrateur communal de Kanyosha, Jean-Belkimas Munzelele, sur cette durée de détention prolongée dans un cachot de la commune. A noter que la commune Kanyosha comptait au début de l'année 2016 plus de 3800 couples en union libre et plus de 8300 enfants non enregistrés. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Grogne chez la population du quartier Gikung rural et elle s'indigne du manque d'eau qui s'observe ces derniers temps dans leur quartier et demande à la régie des eaux de régler vite la situation. Reportage de Charles Makoto. Cette population indique que depuis une semaine, l'eau est devenue un produit rare. Les élèves que nous avons rencontrés, les bidons dans les mains, nous ont indiqué qu'ils sont obligés d'aider les domestiques d'aller chercher de l'eau alors qu'ils devraient profiter de l'alternance qu'ils ont eue à l'école pour préparer les examens. Quant aux domestiques, ils indiquent qu'ils passent le gros de leur temps à chercher de l'eau. Ils font savoir qu'ils ont du mal à servir le repas de midi à temps et demandent à la régie des eaux de régler ce problème. Désiré Senghioum, va directeur de l'eau à la régie des eaux, indique que ce problème est connu et qu'ils sont à l'œuvre pour pallier à cette panne qui est due à un réseau vétuste. On connaît la situation, mais on ne peut pas dire que c'est une pénurie pure, mais c'est une irrégularité, puisque avant tout, on a aperçu que la conduite est tuée. Donne de l'eau jusqu'à la station de pompage de Mutanga Nord. La conduite est vétuste. Pour le moment, on est en train de faire de nos mieux pour essayer de changer la conduite, tout en espérant qu'aujourd'hui, le soir, on va tout terminer. Nous demandons à la population quand même de retenir un peu, dans le but quand même d'essayer d'achever et de donner l'eau à temps réel comme auparavant. Sinon, il nous est trop dur d'alimenter le quartier Mutanga Nord puisque nous sommes obligés de passer sur des autres réservoirs d'en haut. Là où on appelle communément Saint-Antoine-Tangano. Il rassure la population de Gikungu que de ce jeudi, la panne sera réparée. En page éducation, le nouveau décret portant réorganisation du système de gestion des bourses d'études et des stages concrétise les résolutions des États généraux de l'éducation de 2014 qui recommandaient notamment de prendre rapidement l'option de prêt bourse sans intérêt. Dans un communiqué sorti ce mercredi, le recteur de l'Université du Burundi fait savoir que le conseil rectoral qui s'est réuni ce mardi a constaté que certains étudiants n'ont pas encore compris l'esprit et la lettre de ce décret, les invitant d'attendre la promulgation des textes d'application et aux autorités rectorales de mener un dialogue constructif et franc avec les concernés pour une meilleure mise en application. Je vous le disais en titre, les élèves du lycée de la convivialité de Kanyosha en mairie de Bujumbura sont confrontés à d'énormes difficultés suite au manque de latrines pour leurs besoins. La direction de l'école a dû emprunter les latrines de l'école fondamentale voisine après un incident qui a failli coûter la vie à l'un des élèves. Le point avec Pascal Nyoyangounze. Aujourd'hui, le problème c'est que nous n'avons pas de toilettes où nous pouvons faire nos besoins. Ces élèves ont été obligés de faire leurs besoins dans les latrines de l'école fondamentale voisine après un incident qui a failli coûter la vie à leur collègue de la seconde lettre moderne. Il est tombé dans la fosse de la latrine, mais a été vite sauvé par les élèves. Anatole Nihorimbere est le vice-doyen de ce lycée. Un élève de seconde lettre moderne a tombé dedans dans la toilette quand il allait faire ses besoins, mais nous avons l'aidé à monter en haut. Ces élèves rencontrent beaucoup de difficultés suite à leur nombre. Certains d'entre eux peuvent retourner en classe sans faire leurs besoins, surtout pendant la récréation, explique leur collègue. Nous n'avons pas un temps suffisant pour accomplir nos besoins. Peut-être certains élèves peuvent quitter là-bas sans faire ses besoins. Le directeur du lycée de la convivialité, Nishiman Eric, appelle au secours. La contribution des parents des élèves de 10 000 francs chacun ne sera pas suffisante, indique-t-il. Nous avons un problème très sérieux. Nous n'avons aucune toilette au lycée de la convivialité. Nous avons emprunté des toilettes à l'écofo Kanyosha 1 et l'écofo voisine. Mais il y a un problème très sérieux suite aux effectifs. Au lycée de la communauté, il y a plus de 720 élèves et à l'écofo Kanyosha 1, il y a plus de 4300 élèves. Alors, plus de 5000 élèves partagent 20 toilettes. Donc, vous voyez qu'il y a un problème très sérieux. Nous lançons un appel vibrant aux bailleurs de aux autorités du ministère de l'éducation pour qu'ils nous aident à chercher des bailleurs de fonds pour nous aider à construire de nouvelles toilettes. Les autorités de l'école disent avoir pris la décision de fermer toutes les latrines pour éviter de nouveaux incidents, car à côté de cette latrine qui s'est effondrée, même les autres se trouvent dans un état critique. Merci Pascal. Les élèves et les directeurs des écoles à régime d'internat dans les provinces de Bururi et Rumonge redoutent la chute des rendements pour le deuxième trimestre en cours. Cela suite aux coupures répétitives de courant électrique la nuit. Au niveau de la régie des eaux à Rumonge, l'on indique ne pouvoir fournir le courant que selon la quantité disponible. Désormais, toute question en rapport avec la politique d'une nouvelle viabilisation sera traitée au préalable par une nouvelle commission nationale foncière. Cela a été dit hier mardi par le deuxième vice-président de la République devant les parlementaires. C'était lors de la présentation des réalisations des ministères sous son contrôle. Les députés et sénateurs s'interrogent sur le sort des espaces arables, vu l'allure de la politique de viabilisation aujourd'hui. Pour d'autres inquiétudes des parlementaires avec Placide Niomungere. Présentant les réalisations du second trimestre l'an 2016, des 12 ministères qui s'occupent du commerce et du social sous son contrôle, Joseph Boutole explique que ces réalisations sont les fruits des recettes de l'Office burundais, comparablement au taux faible des ressources extérieures. De là, Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale, qui salue ce rapport, s'interroge sur les cas de vols presque répétitifs dans les bureaux postaux. Joseph Boutole dit que des mesures relatives sont en train d'être envisagées par le gouvernement et bientôt elles seront appliquées. Révérien Dikuriyo, le numéro 1 du Sénat burundais, fonde sa recommandation sur l'espace arable qui est en train d'être transformé en village par politique de viabilisation. Pour lui, il faut que le gouvernement cesse d'octroyer ces espaces en raison de 4 arts, sinon les Burundais risquent de manquer l'espace à cultiver, plus particulièrement dans la plaine. De là, le deuxième vice-président de la République tranquillise qu'une commission nationale foncière vient d'être initiée. Toute question en rapport avec la politique de viabilisation sera au préalable traité par la dite commission avant d'être étudié et validé par le Conseil des ministres, a ajouté Joseph Boutole. Agathon Gwasa, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, de son côté, ne comprend pas pourquoi il y a toujours problème dans la commercialisation de certains produits comme le sucre et l'or noir. Il s'inquiète que le problème ne résiderait pas au niveau des institutions à leur charge. Pour lui encore, il est incompréhensible que la commercialisation du sucre soit suivie par le ministère de l'Intérieur et sort de l'or noir par le ministère de l'Énergie et des Mines au lieu du ministère de Commerce. Pour le deuxième vice-président de la République, Joseph Boutole, le problème du sucre sera résolu par les recommandations qui seront formulées par un groupe des experts qui seront bientôt recrutés pour audit. De cet audit, nous nous attendons à des recommandations soit pour agrandir la Sosumo ou les chats de canne à sucre, a ajouté Joseph Boutole. Les députés et sénateurs demandent enfin que de tels rapports soient présents à temps parce que, d'après eux, celui-ci a connu un retard de 3 mois. À la source, interview. Place maintenant à notre invité du journal, Dionyse Niziguimana, directeur du programme national intégré de lutte contre le paludisme, répond aux questions de Francine Ndiokoub-Gayo. L'invité nous parle des programmes qui vont suivre la déclaration du gouvernement que le pays se trouve en situation d'épidémie de paludisme. Dionyse Niziguimana, vous êtes directeur du programme national intégré de lutte contre le paludisme. Bonjour. Bonjour. Le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de la Santé, a déclaré la malaria comme épidémie. Quelle est la suite? On doit justement mobiliser des fonds, des ressources supplémentaires pour qu'on puisse mener des actions, en l'occurrence les actions à rapport avec la prise en charge des personnes qui sont malades et puis aussi la mobilisation de la population pour qu'elle puisse adopter un comportement qui est justement adéquat. Puisque vous savez, avec cette épidémie, il peut être lié à beaucoup de facteurs. Et demain, il y aura une réunion de mobilisation des ressources qui va regrouper les partenaires PNL justement qui a pris au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Même pour le moment, il y a certains partenaires qui ont déjà donné des promesses, il y a ceux qui ont déjà d'ailleurs livré des intrants antipalidiques. Jusqu'à présent, les moyens, il n'y a pas de problème. Si on a les médicaments pour la prise en charge, c'est-à-dire qu'on est bien. Mais maintenant que les partenaires sont en train de livrer, certains médicaments, même le gouvernement aussi, on a fait en DAO, un document d'appel d'offres pour l'achat des médicaments qui s'élève à 1 milliard pour le gouvernement. Vous parlez justement de médicaments. Il y a les malades qui se lamentent comme quoi aujourd'hui les médicaments contre la malaria ne sont plus efficaces. Comment ils peuvent le dire? Ce sont des rumeurs. Pour dire que les médicaments ne sont pas efficaces, il faut qu'il y ait des évidences. Mais jusqu'à présent, il y a des études qui sont prévues. Par exemple, je peux vous dire qu'il y a une étude en rapport avec le test d'efficacité thérapeutique des antipalidiques qui est en cours. C'est ça qui pourra nous montrer que justement les acétés ne sont pas efficaces. Mais jusqu'à présent, ils sont efficaces. Plutôt, moi, je pense qu'il faut voir la façon dont la population prenne ces médicaments. Puisque vous comprenez très bien, il y a des gens qui se partagent le kit qui devrait être pris par une personne et puis se partagent ça. Et puis, il y a d'autres aussi qui peuvent ne pas respecter, par exemple, ce que le médecin lui a conseillé. Mais il y a d'autres gens aussi qui viennent se faire traiter quand ils sont déjà vraiment en situation grave, alors qu'ils devraient venir bien avant. Mais il y a d'autres malades qui disent qu'ils ne sont pas aussi bien servis dans les centres de santé ou hôpitaux, qu'il n'y a pas justement de ces médicaments dont ils ont besoin. Les médicaments, il y en a. Alors, pour le moment, jusqu'à présent, il n'y a pas de problème des médicaments. Il faut voir où les aider de la question, mais ce n'est pas question de manquer des médicaments au niveau des formations sanitaires. Est-ce que le ministère de la Santé fait des enquêtes pour s'enquérir de la vraie situation sur terrain? Nous avons un système de rapportage journalier hebdomadaire. Au niveau du ministère, il y a la direction du système national d'information sanitaire. Alors, c'est l'épicentre de tout territoire au niveau national. Alors, il y a des informations qui nous parviennent sur ça. S'il y a quelque chose qui ne marche pas là-bas, à la pointe avec les données, on peut être informé à temps. Oui, en cas d'épidémie, les gens sont habitués à être soignés gratuitement. Est-ce que ça va être le cas? Oui, les gens vont être soignés gratuitement, justement, en cas d'épidémie. Même avant, le médicament, surtout le traitement de première ligne, est gratuit. Alors vous comprenez très bien qu'en cas d'épidémie, il y a une gratuité finalement qui s'étend sur tous les médicaments antiparidiques. C'est pourquoi nous conseillons à la population justement à aller se faire soigner. Il ne faut pas qu'ils se disent que voilà, moi aujourd'hui, je n'ai pas de l'argent pour payer ça. Non. Monsieur Dionysse Nizigimana, merci. Merci aussi. Merci à vous, Francine et Dionysse. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Albert Ndouaïo pour la parfaite collaboration technique. Excellente soirée à tous. Au revoir. Léonce Vitaliho.